Chapitre 27e. Robert mit son fils dans la banque avec interdiction formelle pour lui de rencontrer le mari de Marina. À 28 ans, Jason était devenu le plus jeune PDG des entreprises Emerson en collaboration avec son frère Jeremy. Lorsque les Emerson partaient en vacances à l'autre bout du monde, Jason, lui, les passait en France et ramenait des tonnes de photos. Il adorait la montagne et s'était entiché des Pyrénées où il y partait tous les étés. Un jour, Robert, entrant dans sa chambre pour lui demander un renseignement, resta sur le pas de la porte, éberlué. Des dizaines de photos agrandies étaient accrochées sur tous les murs, et sur toutes ces photos, il y avait Marina. Dans un cadre, sur la table de nuit, était même une photo montrant Jason et Marina enlacés. Ça alors? Mais pourquoi te fais-tu tant de mal? Cette photo est un montage réussi, non? Effectivement. Tu n'as pas enfreint mes règles, j'espère. En aucune façon, rassure-toi. Elles sont toutes prises au téléobjectif. Tu es fou, mon enfant. Je n'ai jamais rien vu de tel dans ma vie. Mais que t'a donc fait cette femme? Elle m'a juste regardé, père, c'est tout. Et comment peux-tu être aussi sûr qu'elle partage le même sentiment que toi? Je l'ai vue au fond de ses yeux. J'ai vu son âme. Robert secoua la tête. Cela allait beaucoup trop loin. Jamais il ne se serait douté de l'attachement si profond, de cet amour si ardent que Jason portait à cette femme. À son humble avis, il n'avait pas fini de souffrir. Mais comment as-tu su où il partait en vacances? J'ai engagé quelqu'un. Tu veux dire un détective? C'est cela? Et ensuite, je les ai suivis. Oh non, ne fais pas cette tête. Jamais je ne les ai approchés de trop près. Ils ne savent même pas que j'existe. Par contre, j'ai eu l'impression par moments qu'elle sentait que j'étais là. Mais peut-être était-ce une illusion. Un an plus tard, Jason prit son père par les épaules et lui dit « Il faut que je te parle. Maintenant ? Oui, tout de suite. Allons dans mon bureau, tu as l'air bien sérieux. » À peine la porte refermée et son père assis que Jason lança la nouvelle qui tomba comme un pavé dans une mare. « Je vais me marier, papa. Elle a 25 ans et elle est enceinte. » « Mon fils !» ne sut que répéter Robert. « Et Marina ?»« Je crois que je ne dois plus attendre. »« Bien, c'est une bonne nouvelle, mais est-ce que tu l'aimes, mon fils ?»« Ça, c'est une autre histoire, » murmura Jason. « Elle s'appelle Nathalie. Je pense qu'elle te plaira. »« Ah, nous avons aussi arrêté une date pour le mariage, le 14 du mois prochain. »« C'est bien rapide, tout ça. »« Je sais, mais n'oublie pas qu'elle est enceinte. Nous ne pouvons pas attendre trop longtemps. » Elle accouchera dans 4 mois. Depuis combien de temps la connais-tu? À peu près 6 mois, pourquoi? Pour rien. Je te souhaite beaucoup de bonheur, Jason, tu le mérites. Merci, papa. À ce soir, j'ai un rendez-vous important. Le soir venu, Robert resta un instant sans voix quand son fils lui présenta la jeune femme. La ressemblance avec Marina était par trop frappante. Mon Dieu, pensa Robert. Cette jeune femme a des yeux si froids, si calculateurs. Comment mon fils n'a-t-il pas pu le remarquer? La ressemblance avec Marina a dû fausser son jugement, et apparemment, vu l'état de Nathalie, il était bien trop tard pour faire machine arrière. Il pria quand même pour que son fils soit heureux. Malheureusement, les prières ne sont pas toutes exaucées. Nathalie avait à peine mis au monde sa petite fille, qu'elle partait à la neige se refaire une santé, disait-elle. Robert voyait bien que son fils souffrait. Cette femme n'en voulait qu'à son argent. Quant à aimer Jason, il n'en était pas question. On la voyait souvent dans les boîtes de nuit, dans les endroits à la mode et toujours accompagnée par de fort beaux et riches jeunes hommes. Un soir, Robert, entrant chez lui, entendit du bruit dans le salon. « Jeremy, c'est toi ?»« Non, enfin, je crois pas. Je crois que je suis Jason. » Jason, mais tu es complètement ivre. Que s'est-il passé? Je vais divorcer, papa. C'est pas génial. Génial? Le mot est faible. Je crois bien que je vais t'accompagner. Je te sers un autre verre? Et ils trinquèrent à la liberté retrouvée. Malheureusement, cela ne se passa pas aussi facilement que prévu. Mise au courant par son mari qu'il voulait divorcer, Nathalie voulut aller voir Robert pour discuter un peu de son cas. Lorsqu'elle entra dans l'appartement, les deux hommes étaient complètement ivre et se soutenait pour aller se coucher. Une idée germa dans son esprit. Non, elle ne divorcerait pas de sitôt. Elle attendit que son beau-père fût couché et endormi et se glissa dans la chambre de son mari. Nue, elle entra dans le lit et entreprit de le réveiller. Encore étourdie par tout l'alcool qu'il avait ingurgité, Jason, à la lumière de la lune, ne distingua que vaguement les traits de sa femme. Un vieux fantasme refit surface que Nathalie ne démentit pas tant il allait servir ses plans. « Marina, c'est toi, mon amour. Oh, il y a si longtemps que j'attends ce moment. Je t'aime si fort, Marina. » « Oui, Jason, je t'aime aussi. Fais-moi vite l'amour, chérie. » Cette nuit-là fut conçu Emmanuel, un petit garçon adorable qui ressemblait trait pour trait à son papa. Lorsque revenu à lui le matin de sa beuverie, il se remémora ce qui s'était passé la nuit même. « Non, oh non, sale garce, je te hais, je te hais. » Il entendit le rire sardonique de sa femme venant de la salle de bain. Robert, qui était sur le point de partir, fonça dans la chambre de son fils pour voir sa belle-fille, habillée et maquillée comme un mannequin, se moquer de son mari. Elle le prit malgré lui comme témoin. « On ne divorce pas d'une femme à qui on a fait l'amour toute la nuit, n'est-ce pas, cher beau-père? Après tout, je suis peut-être enceinte. » Écœuré, Robert voulut s'en aller, mais il dut rattraper Jason au vol. Il aurait été capable à ce moment-là de la tuer. « Ne la touche pas, mon fils, et ne t'inquiète pas, elle ne l'emportera pas au paradis. Une fois que cela sera terminé, je te fais la promesse que je la briserai. Si je ne la tue pas avant, papa, tu ne sais pas ce que cette ordure a fait. Elle m'a laissé croire qu'elle était Marina. Je l'ai aimée comme j'aurais aimé cette femme que j'adore. Il éclata en sanglots dans les bras de son père. Robert entendit le rire sadique de Nathalie qui s'en allait et cria « Je ne veux plus jamais vous revoir chez moi, jamais. Disparaissez de notre vue et de nos vies. » 3 ans passèrent. Jason attendit patiemment que son petit garçon grandisse et n'ait plus besoin autant de sa maman. De toute façon, celle-ci s'en occupait le moins possible. Un jour qu'il revenait d'un voyage d'affaires, fatigué et par trop affamé, il s'arrêta dans un supermarché pour s'acheter un sandwich. Et là, devant lui, poussant un caddie, il vit la femme qu'il aimait depuis toujours. Ce fut un choc. Elle n'avait pas l'air si heureuse que cela. Son père se serait-il trompé? Y aurait-il eu quelque changement depuis? Ne voulant pas se donner de faux espoirs, il ressortit vivement de la grande surface et reprit la route, le cœur plus lourd que jamais. Il attendrait, mais en attendant, il remettrait le détective sur sa trace. Le soir même, il avait rendez-vous avec sa femme à l'appartement. Robert était dans son bureau lorsqu'une violente dispute éclata. Nathalie traitait Jason de tous les noms. Non, elle ne divorcerait pas et il n'aurait pas non plus Emmanuel. Le petit garçon, dans les bras de sa mère, pleurait sans retenue. Elle sortit en trombe, mit l'enfant sur le siège arrière de sa voiture et furieuse se précipita au volant, démarrant avec une brutalité qui disait combien elle était furieuse. Elle fut tuée sur le coup. La voiture brûla. « Et mon petit ?» demanda Jason, décomposé. « Il est mort aussi, monsieur, tué sur le coup. Il n'a pas souffert. Je suis désolé, vraiment désolé. » Jason, une nouvelle fois, s'effondra dans les bras de son père. Les obsèques eurent lieu 3 jours plus tard. Leur petite fille, quant à elle, était toujours en Suisse. Chez les parents de sa mère, ils ne la firent pas revenir. Elle était beaucoup trop jeune et ne pourrait pas comprendre. Jason resta sous le choc pendant de nombreux mois. Le détective qui l'avait engagé ne lui donna pas non plus de bonnes nouvelles. Apparemment, Marina et son mari filaient le parfait amour. Désespéré, il se saoula plusieurs fois et un soir mélangea l'alcool au sédatif. Il resta 5 jours dans le coma. Robert le fit transporter dans la clinique américaine ultramoderne qu'il avait fait construire près d'Honfleur. Jason resta sous antidépresseur pendant 2 ans. Il reprit quand même le travail, mais resta taciturne, ne sortant jamais. Pourtant, Jérémy faisait tout ce qu'il pouvait pour essayer de le distraire. Il se détruit, papa, dit-il un jour à Robert. Il n'a plus envie de vivre. Que pourrions-nous faire pour le sortir de là? J'ai bien une idée, mon fils, mais je n'ose encore la lui soumettre. Vois-tu, j'ai appris que Marina Leroy voulait divorcer. Quoi? Tu es sûr de ça? Si c'est vrai, Jason a peut-être une chance de s'en sortir. Comment as-tu appris la nouvelle? La rumeur court à la banque. Tu sais, le bouche à oreille. Il paraîtrait que Marina est arrivée dans notre établissement il y a quelques jours, est allée dans le bureau de son mari et qu'il y a eu une scène magistrale. À quel propos? Disons qu'elle a trouvé la secrétaire personnelle de Philippe le Roi dans une posture impossible à raconter. Nom d'un chien, quelle histoire! En parlons-nous à Jason tout de suite? Non, surtout pas. Il vaut mieux attendre encore un peu. D'autant plus que le satané détective qu'il a réengagé il n'y a pas si longtemps va sûrement se faire un plaisir de l'avertir dans les prochains jours. Tu as raison, laissons faire le temps. Et le temps leur donna raison. Les jours suivants, ils virent un nouveau Jason réapparaître. Il se dépêcha de se faire couper plusieurs costumes sur mesure et alla chez le coiffeur. Il prépare une offensive, dit Jérémy à son père en haussant les sourcils lilas. J'en ai bien peur. Pourvu qu'il réussisse. Imagine un bref instant que cette femme ne l'aime plus. Il sera brisé pour de bon. En effet, le détective avait fait son rapport. Les époux Leroy étaient en instance de divorce. Jason décida d'attaquer sans tarder. Il voulait en avoir le cœur net. Il sut par le limier qu'elle faisait habituellement ses courses dans la grande surface où il s'était arrêté. Le jour venu, il s'apprêta comme un collégien. Se rasa à la perfection, sortit un costume croisé gris clair avec la cravate assortie, se mit une touche d'eau de toilette de marque et pria pour ne pas se tromper. Il arriva vers 13 heures au grand magasin et s'installa à la cafétéria pour mieux la voir arriver. Quand elle entra dans le magasin, il fila chercher un caddie et essaya de la suivre dans les rayons. Ne faisant absolument pas attention où il allait, il cogna plusieurs fois son caddie sur les têtes de gondole. Au bout de 20 minutes, il se dit qu'il était temps. Il fit le tour et se retrouva face à elle. Elle regardait les marchandises, mais il lui sembla que son esprit était ailleurs. Il avança et bouscula légèrement le caddie de la femme qu'il aimait le plus au monde. Dieu, elle n'avait pas changé. Ses yeux étaient sublimes. Son cœur battait à tout rompre. Il pensa qu'il allait exploser de joie. Il aurait voulu la toucher, la serrer contre lui, à l'étouffer, mais pour le moment, leurs yeux s'accrochèrent de nouveau, comme 10 ans auparavant. Elle semblait si étonnée de le voir. Jason ouvrit la bouche, mais ne put que dire « Bonjour ». Oh, cette voix, ces yeux, cette bouche qui l'avait hanté tant de jours et tant de nuits. Et elle le retrouvait là, devant elle, et il lui disait « Bonjour ». Réponds, se dit-elle, ou il va te croire idiote. « Bonjour », murmura-t-elle. Jason, le cœur battant, se dit que c'était le moment ou jamais. Vous me reconnaissez? Bien sûr. Stupide, se dit-elle. Pourquoi répondre si vite? Oh, bon sang, et maintenant il lui souriait. Cela vous ennuierait si je vous invitais à prendre un verre? Maintenant? C'est-à-dire que je n'ai pas terminé mes achats? Oh, ce n'est pas grave, je peux attendre. Je peux même vous aider si vous me permettez. Ce serait avec plaisir. Je pense que je n'ai plus grand-chose à prendre. Oh, j'ai tout mon temps, rassurez-vous. Mon Dieu, qu'elle était bête. Elle avait accepté si facilement. Mais pour qui donc allait-il la prendre? Pendant ce temps, Jason jubilait. Elle avait accepté son invitation, c'était inespéré. Il devenait fou à être à ses côtés, sans pouvoir la toucher, mais il fallait être patient et ne pas l'effaroucher. Ils firent encore plusieurs rayons et il l'aida à attraper une boîte qui était placée un peu trop haut. Leurs mains se caressèrent légèrement au passage. Une décharge embrasa tout leur corps. Ils lâchèrent la boîte qui roula sous la gondole. Se regardant, ils éclatèrent de rire et continuèrent. Il l'aida au passage à la caisse et il lui mit aussi tous ses sacs dans le coffre de la voiture. Ils reprirent ensuite le chemin en sens inverse et s'installèrent à une table de la cafétéria. Il commanda un double martini pour lui et un thé glacé pour elle. Il fallait prendre la parole. Il lui sembla qu'elle évitait son regard. Il y a longtemps, n'est-ce pas? Dit-il enfin. Une éternité. Êtes-vous toujours vendeur? Oh non, ce n'était que pour les vacances. Il lui raconta son travail à la banque et lui demanda ce qu'elle faisait. Rien de bien passionnant, j'en ai peur. Et vous? Êtes-vous marié? Voilà une question indiscrète, se dit-il. Mais si elle voulait savoir, c'est qu'elle s'intéressait à lui. Je suis veuf. Oh, pardon, ce n'est pas grave. Voyez-vous, je devais divorcer quand... Et il lui raconta toute l'histoire. Émue, elle le regarda, les larmes dans les yeux. Il ne faut pas pleurer pour moi. Je voudrais plutôt vous faire rire. Vous savez, il y a longtemps que je voulais vous parler. Malheureusement, je n'ai jamais osé. Êtes-vous marié? Ah, tu es un beau salaud, pensa-t-il en lui posant la question. Si elle aime encore son mari, tu vas lui faire du mal. Bon sang, ce n'est pas permis d'être aussi mesquin. Je suis en instance de divorce. C'est affreux. Que s'est-il passé? Bien sûr, si c'est trop dur pour vous d'en parler, ne dites rien, je vous en prie. Tu es vraiment le dernier des salauds, se traita-t-il. Non, ce n'est pas dur. Il avait beaucoup changé ces 2 dernières années. Je croyais que c'était dû à son travail, à ses responsabilités, mais non, bien sûr, il y avait une autre femme. Ça a dû être très dur pour vous. Leurs yeux s'accrochèrent encore et encore. Il lui prit la main, la retourna et lui baisa la paume délicatement. Elle frissonna, délicieusement troublée par tant de douceur et de charme. Allait-elle se brûler encore une fois? Elle en avait tellement envie. Il y avait tant de passion dans ses grands yeux bleu nuit. Elle retira sa main lentement. Je n'ai plus mal, je crois que je suis devenue insensible. Cela m'étonnerait beaucoup, répondit-il. En vous voyant, j'ai l'impression de m'approcher d'une flamme. Il se leva et soudain se pencha vers elle. Il huma l'air et elle ferma les yeux. Se redressant, il reprit. J'adore votre parfum. Quel est votre prénom? Marina, et vous? Jason Emerson, pour vous servir, gentledame. Elle lui sourit et le cœur de Jason manqua un battement. Il faut que je rentre, monsieur Emerson, j'ai encore beaucoup à faire. Déjà, appelez-moi Jason, s'il vous plaît. Vous savez, vous me manquez déjà. Elle lui sourit à nouveau. Ne soyez pas si flatteur. Elle se leva, il reprit sa main. Marina, je veux vous revoir. Je vous en prie, dites oui. Mais pourquoi? Si je vous disais que j'en ai très envie depuis de nombreuses années, cela vous suffirait-il? Oh, je ne sais pas trop quoi vous répondre. Dites simplement oui. Où résidez-vous? Pas très loin de l'aéroport de Beauce. Parfait. Je vous attendrai tous les jours sur le parking de l'aéroport entre 14h et 15h. Vous viendrez, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Peut-être. Il faut vraiment que je parte à présent. Si vous me faites la promesse de venir, je vous attendrai même très longtemps. Je vous en prie, dites oui. Elle ne put que répéter en rougissant. Eh bien, oui, je viendrai. Il retourna encore une fois sa main et, fermant les paupières, déposa à nouveau un baiser dans sa paume. Entr'ouvrant ses magnifiques yeux bleus, il lui murmura. Je vous attendrai tous les jours jusqu'à ce que vous veniez. Elle le quitta très vite, les jambes flageolantes, la tête et le cœur en fête et le corps brûlant.